t'entends pas, tu vois. Je fais du rap, c'est dans mon ADN. En Y sur le KTM, 94 cité HLM. Eh, hey, je connais ma rue, elle me connaît bien. On a fait des collages depuis qu'on est collégien. Valenton, c'est pas comme les autres villes, c'est hostile, c'est morbide, ça marche avec des grosses plis. Dis à ta mère que si tu plains, tu auras des représailles. J'ai fait des trucs, j'ai vu des trucs, j'en ai des regrets sales. Je me suis mouillé plus d'une fois pour tomber refrains sales. Je vais aller me laver au village avec des vieux tressages. Ça fait 8 ans que je suis en gros, ça va. Pour un peu moins de 10 000 euros, ils lui ont pris sa vie. C'était une histoire de drogue, je crois, une grosse carna. Le tireur, il pète un cap, fini en psychiatrie. Ça, c'est nos vies, gros, c'est pas celle des autres. Ma daronne m'a enrichi quand à l'époque on était pauvres. On a des trucs qui se sont passés, des frères ont trépassé. Je pense à eux, je me dis, rendez-nous le RAP. Je fais du rap, moi, je fais du rap. Je fais du rap, moi, je fais du rap. On a des trucs qui se sont passés, des frères ont trépassé. Je pense à eux, je me dis, rendez-nous le RAP. Je fais du rap, moi, je fais du rap. Je fais du rap, moi, je fais du rap. Hein? Le cannabis me catapulte, je te connais pas, t'es pas mon pote, va l'OPJ, fais pas la pute. Si je trouve pas l'argent chez moi, je le piste ailleurs. 9ème album, au début j'étais qu'un freestyler. J'ai vu mon quartier s'effondrer comme les Twin Towers. J'ai eu le poteau au téléphone, il veut un kill tout à l'heure. Ah, une bande de potes qui voulaient prospérer. J'ai levé la première fois avec un cross pourri. Et nous, qu'est-ce qu'on avait à part espérer? Parce que les restos du cœur, ils nous ont tous nourris. Tout jeu vit ses crades, on a fait des crasses, on a mis des coups de crosse et tout niqué sur la place. J'écoutais pas ma mère et je m'en battais les couilles. Les gardes à vue, les dépôts, je te raconte la vie d'une caille. J'ai 1000 euros et des garettes ici dans ma fouille. Ils m'ont coincé, ils m'ont traité comme du bétail. Y'a des trucs qui se sont passés, des frères ont trépassé. Je pense à eux, je me dis, rendez-nous le RAP. Je fais du rap, moi, je fais du rap. Je fais du rap, moi je fais du rap. On a des trucs qui se sont passés, des frères ont trépassé. Je pense à eux, je me dis, rendez-nous le RAP. Je fais du rap, moi, je fais du rap. Je fais du rap, moi je fais du rap. Fais pas le trafiquant, c'est pas cuisiné. Dans la casserole, y'a les cailles de poisson. Au premier abord, on dirait c'est de la pâte. On donne de l'ammoniaque, on t'en fait des glaçons. Demande à ma femme, je fais que des garçons. Boule de billard posée dans mon caleçon. J'ai trop pillé et j'ai compris la leçon. Mais j'ai repris parce que c'est une passion. Y'en a des trucs qui se sont passés, des frères ont trépassé. Je pense à eux, je me dis, rendez-nous le RAP. Je fais du rap, moi, je fais du rap. Je fais du rap, moi je fais du rap. Y'en a des trucs qui se sont passés, des frères ont trépassé. Je pense à eux, je me dis, rendez-nous le RAP. Je fais du rap, moi, je fais du rap. Je fais du rap, moi je fais du rap. Je fais du rap. Fais du putain de rap, le renard le plus fort du monde. This is Peng, Yoni Wuli Wuli Yoni. Unilatéral, une deux sens, anti-siflex, comme tu veux. T'as capté ou pas? C'est du vice fait. Ouais.